Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Est-il possible de raconter l'histoire des danses traditionnelles ? Carole, bourrée, passe-pied, sarabande, branle, estampille, ronde, farandole, gigue, rigodon, elles sont nombreuses ces danses traditionnelles que nous projetons dans la profondeur des temps car leur histoire est souvent méconnue. Et puisque la danse est parfois endiablée, comment furent-elles perçues par l'Église et puis par les savants? Certaines ont été réduites à un élément du folklore, d'autres ont été réinventées quand les danses des ancêtres redeviennent à la mode. Une histoire des danses traditionnelles, entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Yves Guilcher, bonjour. Bonjour. Histoire des danses traditionnelles. Quelle est votre démarche pour essayer de saisir ces danses traditionnelles, leur histoire? Vous êtes musicien, chercheur, j'ai envie de dire danseur aussi un petit peu. Quelle est votre démarche? J'ai presque envie de dire aussi que c'est une histoire familiale. Alors c'est une histoire familiale dans la mesure où ce sont mes parents qui ont commencé à travailler sur d'abord les répertoires anciens, mais aussi les répertoires populaires, traditionnels, en milieu paysan essentiellement, à travers l'enquête ethnographique. Moi, j'ai pris le relais, j'ai reçu beaucoup à mon berceau, j'ai essayé d'apporter un peu après. Mais oui, je suis avant tout danseur. Et l'étude des danses traditionnelles, ben, ça consiste, si vous voulez, à essayer de comprendre ce qu'on aime. On cherche à le voir, l'album de photos de famille de la jeune fille dont on est amoureux, en l'occurrence, voilà. Et donc, vous débouchez sur la recherche. Et la recherche concerne donc ce qu'on appelle les danses populaires traditionnelles, c'est-à-dire des danses qui sont à la fois populaires, régionales, réputées anciennes, comme beaucoup des titres que vous avez cités là. Et ça s'inscrit toujours à l'intérieur d'une autre histoire, qui est l'histoire de la danse récréative, celle de tout qui a cours dans tous les milieux, et qui est donc la danse qu'on fait pour le plaisir, pour s'amuser, un divertissement, par opposition à la danse de scène, donnée en spectacle, danse de ballet. Alors la danse traditionnelle s'inscrit dans l'histoire de la danse récréative, mais elle concerne des milieux qui ne sont pas forcément, qui ne sont même jamais, les milieux dominants, la société dominante. Et parmi les noms de danse que vous avez cités, il y en a beaucoup qui se retrouvent à la fois dans les pratiques de la bonne société et dans des pratiques populaires, voire rurales. Mais ces danses étant populaires, elles laissent moins de sources. Nous savons bien que le discours dominant est celui qui est le plus souvent préservé. Et dès lors, il y a une démarche. C'est vrai que vous avez dit, Yves Guilcher, que vous avez travaillé avec votre papa. Justement, quelle était cette démarche à deux, votre papa, Jean-Michel Guilcher? Oui, alors le travail à deux, c'est surtout mon père et ma mère. Ils ont travaillé beaucoup ensemble. Et oui, je dois beaucoup à ce travail-là. Ils allaient dans les campagnes. C'est, vous savez, si on travaille sur l'histoire de la danse récréative, nous n'avons d'informations, de documents, d'archives que pour la société qui écrit, la société dominante. Et même là où nous avons une évocation de danse populaire, paysanne, ou une représentation de danse des bergers, elle émane toujours de la société dominante. Nous n'avons pas de témoignages des bergers sur leur propre danse. C'est donc le regard d'une société sur une autre, avec ce que ce regard trahit quelquefois de soucis de distinction, se distinguer d'eux. Et on aime à nous présenter la danse de la bonne société comme apollinienne, celle des milieux populaires comme plutôt dionysiaque, voilà. Donc on n'a rien pour comparer, pour mettre en perspective, pour recouper les choses entre deux sociétés différentes jusqu'à ce qu'arrive l'enquête de terrain. Mais l'enquête de terrain, l'enquête ethnographique, elle commence au 19e siècle. Elle ne peut interroger que la mémoire des vivants. Alors elle peut le faire sur plusieurs générations. Mais elle ne permet d'apercevoir des conservations ou des renouvellements que récents. Oui, des renouvellements récents, des réinventions même, hein, tout simplement. Justement, un exemple de ce type de démarche. Alors, ce n'est pas une démarche ethnographique, c'est une interview. Mais bon, déjà, ça donne des éléments. C'était en 1973, à propos des danses occitanes. Ça dure longtemps, ce genre de fête ? Oh, elle peut durer une journée entière, toute une nuit. Au cours des noces, elle peut durer 8 jours. Oui, mais enfin, pour être plus sincère, il faut dire une chose, c'est que ça n'existe presque plus. Ça existait. Ces gens-là sont en train de redécouvrir quelque chose. Enfin, certains repratiquent quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis des années. Et d'autres, les plus jeunes, la génération en dessous, découvrent que nous sommes capables de nous exprimer à notre façon. Il me semble que de plus en plus, il est très urgent de redécouvrir un moyen d'expression qui nous soit propre. Alors, redonne le moyen de s'exprimer, de toute façon, et surtout ce qui nous intéresse, c'est que c'est un moyen anti-académique. Car souvent, à l'échelon national, il y a un style bien donné là, qui ne correspond absolument pas au tempérament de tous les pays, dont nous sommes issus. Nous essayons d'arriver à une décolonisation de la voix. Décolonisation en général, de toute façon. Mais l'art populaire est un moyen efficace d'y arriver. Des entretiens à propos des danses occitanes. Nous étions en 1973. Yves Guilcher, justement, c'est tout à fait le genre de témoignage que l'on peut recueillir lors de campagnes d'enquête. Ce sont des souvenirs, mais vous l'avez bien dit, il y a cette question de temporalité, cette question de génération. Il y a le constat de ce qui se passe à ce moment-là, peut-être le souvenir des parents, éventuellement des grands-parents. On ne remonte jamais loin, mais malgré tout, il y a ce sentiment que ces danses sont anciennes. Ce sentiment est-il juste ? C'est, ce qui est juste, en tout cas, c'est que les gens ont le sentiment que c'est ancien, en général. Même quand ça ne l'est pas, ils vous disent « Oh, ça c'est vieux, hein. Ça s'est toujours fait. » Et il est vrai qu'il y a des choses qui remontent à très loin et qui ont été conservées par la tradition. C'est même très étonnant. Par exemple, sur tout le littoral atlantique, vous trouvez une ronde qui s'appelle la ronde aux trois pas et qui est exactement... qui correspond exactement à la description qu'en fait sous Henri Toye, un certain chanoine, Toye Noirbeau, auteur d'une orchésographie qui décrit les danses. Non seulement il les décrit, mais il indexe les appuis de la danse sur les temps de l'écriture musicale. C'est un outil incroyable. Eh bien, vous retrouvez le branle simple et le branle double sur tout le littoral atlantique, tel quel. Il nous décrit aussi une danse qui s'appelle le Triori de Bretagne. C'est une danse dont le trajet se fait sur une pulsation de 8, dans laquelle intervient un changement d'appui. Dans le Triori de Bretagne, elle intervient au temps 6 et 7. On la retrouve telle qu'elle dans les campagnes bretonnes. Et tout autour, on la retrouve aussi, sauf que le changement d'appui est en temps 3, 4, 4 et 5 ou 5 et 6. Donc un curseur qui se déplace. Ça, c'est extraordinaire. Cette permanence est extraordinaire. Mais à côté de ça, vous avez des danses qu'on a cru longtemps anciennes. Les bourrées, par exemple, dont Georges Sand pensait qu'elles remontaient aux Gaulois, eh bien, elles ont emprunté des figures de contredanse à date tardive, mais elles les ont dansées en pas de bourrée locale, et elles ont fait confluer deux logiques en une seule, qui est parfaitement satisfaisante. Nous évoquons beaucoup des noms de régions depuis que nous conversons. Yves Guilcher, il y a de la Bretagne, il y a de l'Occitanie, et puis il y a le Berry. Le Berry et ses bourrées, hein, c'est l'ouvrage que vous signez avec Solange Panis et Narik Rivard. Justement, cet aspect d'identité régionale est très fort, ou en tout cas de transmission liée à des régions est très fort. Alors là aussi, il faut peut-être nuancer, mais en tout cas, tout de suite à l'esprit, nous avons un nom de région qui est associé à celui de la danse. Hein, oui. On va parler de la bourrée berrichonne. Oui. La bourrée est un bon exemple. Le branle en serait un autre, mais la bourrée est un très bon exemple d'une danse dont le nom accourt aussi bien dans les milieux dominants que dans les milieux populaires. Et la question qui se pose alors, la question que posent tous les gens, le grand public pose cette question. Mais alors, les bourrées de Jean-Sébastien Bach, elles viennent d'Auvergne ou quoi ? Etc. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu des passerelles, éventuellement, entre les milieux ? Est-ce qu'il y a eu des influences ? Ou est-ce qu'il y aurait un fond commun aux deux ? Et la seule réponse honnête à cette question, c'est je ne sais pas. on n'en sait rien. Mais on peut jalonner l'histoire de la bourrée dans les milieux dominants. On peut la voir, elle apparaît comme une princesse dans les châteaux qui deviendra Cendrillon. On peut décrire ça. Maintenant, sur les milieux populaires, régionaux d'abord, puis paysans ensuite, on a un certain nombre de témoignages, mais sur le milieu paysan, ils sont extrêmement tardifs. Oui, il faut faire preuve d'énormément de modestie, je sens, quand on est historien de la danse populaire, parce que étant populaire, venu d'un milieu dominé, on va dire, qui ne parle pas, ben, il n'y a pas beaucoup de sources. Et puis, la danse elle-même est considérée comme marginale des centres d'attention. Et puis, marginale des centres d'attention, c'est aussi un art vivant. Donc, un art qui laisse moins de traces. Vous nous avez dit qu'il est possible d'identifier alors comment se construit une danse avec... On pense au pas, tout de suite, mais l'historien, à part regarder ce qui se passe et imaginer que c'était... de la même manière dans le passé. De quelle source dispose-t-il pour recréer une danse ? Recréer une danse, c'est ou bien on reconstitue une danse ancienne, ou bien on en fabrique une nouvelle. Et il y a les deux aujourd'hui. Le revivalisme, ce qu'on appelle le revivalisme, fabrique énormément. Mais je pense que l'historien ne voit pas en quoi la danse a quelque chose à lui dire. Il voit très bien comment le passage de l'arrière à la charrue a quelque chose à nous dire. Ou combien l'avènement de la peinture sur chevalet au XIVe siècle a quelque chose à nous dire. Mais sauter en l'air, tourner sur soi, lever une jambe, il ne voit pas du tout en quoi c'est significatif. Or, il y a dans la danse des éléments extrêmement intéressants sur les mentalités. Des éléments intéressants sur les mentalités parce que la danse est constitutive. Alors d'une identité peut-être aujourd'hui, mais il n'y avait pas que cet aspect d'identité par le passé. Il y a aussi de la sociabilité dans la danse. Oui. C'est un moment exceptionnel où tout le monde se retrouve. Oui. Alors là, c'est aussi difficile d'imaginer comment ces gens se retrouvent. Nous sommes sur des moments qui, en fait, scandent le calendrier des gens. La danse se pratique à tous les moments possibles de l'existence. On arrive là aussi à identifier un peu des éléments nets. Vous savez, la danse, c'est pas seulement des pas et des musiques, c'est aussi des dispositifs. C'est-à-dire la façon dont se disposent les gens pour danser. Là, vous avez la ronde fermée, chantée par les danseurs, ça c'est le Moyen-Âge, la carole, c'est la Basse-Bretagne centrale encore jusqu'à la guerre de 14. Vous avez la chaîne itinérante conduite par un meneur, les chaînes courtes, le couple ouvert, des relations entre les couples avec des figures, bref, des dispositifs. Chacun de ces dispositifs est une mise en ordre sociale qui décide d'avance des relations que les danseurs vont avoir entre eux. Et ces relations entre danseurs ont quelque chose à nous dire sur la façon dont le milieu conçoit la relation à autrui. C'est-à-dire que ces répertoires nous renseignent sur plus qu'eux-mêmes. Ils nous donnent quelque chose, ils nous apprennent quelque chose sur la façon dont une société vit, ou à tout le moins conçoit, la relation sociale. Et partout où on voit se renouveler les répertoires, ces renouvellements aussi accompagnent une évolution des mentalités sociales. Évolution des mentalités sociales au moment où il est question de la danse. France Culture. Tu m'as invité hier soir pour la première danse. L'aurais-tu oublié ? Je ne le nie point. J'avais pris un autre engagement auparavant. Que non pas. Si Madelon a envie de danser avec toi aujourd'hui, ce sera elle d'attendre. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bien le merci, beau Besson. Vous dansez fort bien. Je vous laisse la prochaine, puisque vous l'avez promise. Elle a choisi la plus vilaine. Une autre ! Une autre ! La petite fadette, un extrait d'un téléfilm de TF1 en 1982, d'après, évidemment, le roman de Georges Sand, La petite fadette, en 1849, ce 19e siècle, étonnant justement par l'intérêt porté à des phénomènes jusqu'alors complètement déconsidérés. Bah, Georges Sand, c'est un bon exemple, hein, justement. Yves Guilcher, là, vous avez une source magnifique. Oui. Georges Sand, c'est un peu une interface entre la culture savante et une culture populaire. Le problème étant que cette interface ne joue que dans un seul sens, c'est-à-dire qu'elle va essayer de faire connaître la bourrée, reconnaître la beauté de la bourrée, des musiques Berrichonne à la société savante. Elle ne va pas faire connaître la culture savante aux sociétés populaires, bien oui. sûr. Mais elle a le mérite de... D'abord, elle a dansé, elle-même l'a bourrée. Elle a eu le mérite de voir que c'est une très belle danse. La bourgeoisie se représente toujours la danse, la bourrée, comme lourde, en sabots, en biode. Non, la bourrée n'est lourde que quand c'est les bourgeois qui la dansent. Mais en réalité, c'est une danse fine, élégante, difficile. George Sand a bien plaidé pour la bourrée. Elle a bien plaidé aussi pour la qualité musicale d'air qui ne souscrivent pas forcément aux injonctions du conservatoire. Elle a pressenti beaucoup de choses qu'on a découvert après aussi. George Sand est un témoignage qu'il faut bien sûr situer, critiquer, situer dans ses contextes, mais c'est un témoignage tout à fait exceptionnel. Parmi des témoignages aussi très intéressants, il y a toute cette littérature qui ressemble un peu à des mémoires, à des réflexions sur ce que les gens ont pu vivre. Écoutez ce qu'écrivait un médecin breton au XIXe siècle. Eh bien, lui aussi constate qu'il y a de la danse autour de lui. Quand j'habitais Josselin, de 1833 à 1839, la société bourgeoise se réunissait, dans la belle saison, tous les jeudis et tous les dimanches, sur la promenade publique, pour se rendre de là, tantôt dans un champ, tantôt dans une prairie, où les mamans s'asseyaient pour causer, tandis que sous leurs yeux, leurs fils et leurs filles dansaient gaiement sur les gazons. Il n'y avait point là d'orchestre. Et partant, point de valse, de hongroise ni de contredanse, mais comme on sautait aux chansons les rondes et les bals bretons. Alfred Fouquet, un médecin breton au XIXe siècle, c'est une lecture de Mélodie Auru dans le cours de l'histoire. Eh bien justement, à l'écoute de ce type d'évocation de la danse, nous sentons la pluralité des danses. Alors, il y a la danse populaire et puis la danse de la bonne société, mais bien souvent, là, il y a des passerelles entre les deux. Énormément de vocabulaire que nous évoquons depuis le début de l'émission, énormément de danses très différentes avec des adaptations régionales. Non, là, c'est vraiment une histoire de la diversité de parler de l'histoire des danses traditionnelles, Yves Guilcher. Oui, enfin, l'exemple que vous avez fait entendre est déjà une synthèse, puisque la musique était provençale. Ça se passe à Josselin, qui est particulier en Bretagne, ça n'a rien à voir avec le centre-Bretagne. Là, on est dans des régions beaucoup plus françaises déjà. Mais oui, alors cette diversité... La diversité est difficile à évaluer, parce qu'on ne se connaît rien de l'origine. Pendant très longtemps, on s'est intéressé uniquement à l'origine des danses. L'origine de la bourrée, alors la bourrée, ça venait soit des Pictes, soit du delta du Danube, soit c'était une danse arverne, etc. On a fait remonter tout ça, peu à peu, jusqu'au paléolithique. Dans les années 30, tout le monde est persuadé que les danses traditionnelles remontent au paléolithique, d'où elles sont venues à nous, peu changées. Et on y peut reconnaître encore des rituels de chasse, d'initiation sexuelle ou d'adoration solaire. Tout ça. L'enquête de terrain oblige à renoncer à cela. Et on s'aperçoit que l'histoire est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, je voudrais insister vraiment là-dessus. Parce que si vous présentez à quelqu'un l'Arc de Triomphe en lui disant que c'est de l'art roman, il va dire non. Si vous lui dites que la truite de Schubert est une composition de Guillaume de Machaut, il va dire non. Si vous lui dites que Guernica a été peint par Vinci, il va dire non. Parce que tout le monde sait qu'il y a des logiques historiques, que toute forme d'expression n'est pas possible à n'importe quelle époque. En architecture, en peinture, en littérature, sauf en danse. En danse, vous pouvez montrer n'importe quoi, personne ne va sourciller. Et tous les films et séries qui nous montrent de la danse ancienne sont tous anachroniques, depuis Les Visiteurs du Soir jusqu'au Tudor, etc. Tout est faux, parce que personne ne voit, et les historiens pas plus que les autres, en quoi des gestes de danse peuvent avoir quelque chose à nous dire sur l'histoire. Et on arrive à des théories, par exemple la valse, on a voulu l'imputer à une ancienne volte qui remonterait avant Philippe Auguste. Sous Louis VII. C'est effrayant. Ça revient à dire, en gros, si vous voulez, que le paquebot a précédé la caravelle. Ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas vrai. D'ailleurs, Yves Kilcher, vous, grand connaisseur de ces danses, et puis, eh ben, en tentant de mettre en place une chronologie, en tout cas, en regardant et en écoutant, vous devez être horrifié, hein, régulièrement. Vous avez évoqué le cinéma de voir des anachronismes quand il est question des danses traditionnelles. Oui, enfin, je me suis beaucoup impliqué aussi dans le revivalisme. Tout à l'heure, l'interview que vous avez fait entendre en Occitanie, c'était Pierre Corbefin qu'on entendait parler. Pierre Corbefin est un beau danseur. C'est un homme très honnête, très intègre. Il dit pas n'importe quoi. Et il s'est impliqué lui aussi beaucoup dans le revivalisme. Mais en faisant ça, nous ne cherchons pas du tout, nous ne fonctionnons plus en ethnologue, en ethno-historien. Nous cherchons à mettre de la danse dans la vie des gens. Et la danse, on la vit forcément au présent. Elle ne survit pas à l'instant où on danse. On ne peut la faire qu'avec des gens d'aujourd'hui. Et elle doit répondre aussi à des aspirations d'aujourd'hui. Donc il faut renoncer. Il faut avoir un pied dans deux domaines différents. C'est ça qui est important. Sinon, on se prend les pieds. C'est quoi le revivalisme exactement? Le revivalisme, c'est cette attitude qui consiste à récupérer les répertoires de l'ancienne tradition populaire qui sont propres à des paysans, à des marins pêcheurs, à des petits artisans, pour les revivre aujourd'hui dans une société qui ne les élabore plus. Voilà, c'est de la transplantation de répertoire. De même, il y a beaucoup de danses de la Renaissance qui se pratiquent aujourd'hui. Mais cette danse n'est plus une pratique de la... Comment dire ? La pratique des danses traditionnelles aujourd'hui n'est plus une pratique traditionnelle de la danse. Voilà, on a emprunté des répertoires, on les a transplantés et on les incarne à travers nos corps à nous. Et ça devient nécessairement autre chose. Et ça devient nécessairement autre chose avec cette redécouverte des danses. Alors, selon les régions, hein, c'est vrai qu'il y a plus ou moins de succès. Il y a un gros succès en Bretagne. Vous ne croyez pas que c'est pas un peu figé que de se montrer en costume ? Non, non, parce que ça va ensemble, ça va de pair. Ça fait vivre la danse et ça donne un petit peu de cachet à la danse. Ça donne du caractère. Je crois que... On aime bien aussi mettre le costume, c'est surtout ça. Je crois qu'à ce côté-là... Si on n'aimait pas, on ne ferait pas. Hein. C'est surtout ça. Il faut aimer, évidemment. On danse depuis 20 ans, c'est pas pour le plaisir d'avoir dansé quelques danses, c'est parce qu'on aime ça, tout simplement. Oui, on m'a dit une fois que faire ce que vous faites, c'est un peu se prostituer pour les touristes. Oh non, du tout. On le danse pour nous, principalement. S'il n'y avait pas de touristes, on le ferait quand même. Oui, mais de fait de monter sur scène et de danser pour eux. Vous dansez pour vous ou pour eux ? On pense surtout à nous, je crois. On danse pour nous. Ouais. On danse pour nous. Et puis bon, ben, si ça apporte quelque chose pour que les touristes reviennent en Bretagne, ben, tant mieux. Sur Radio Bretagne Ouest, en 1982, il est question des fêtes Nowruz et Yves Kilcher. Alors c'est intéressant là, parce que un mot qui revient souvent, c'est dans ce que nous venons d'entendre, c'est on aime. Il y a du plaisir aussi. Et puis, mais oui, vous l'avez bien dit, dans cette volonté de remettre, non pas au goût du jour, mais de se souvenir, de montrer ces danses traditionnelles. En fait, nous sommes au moment d'aujourd'hui où elles sont créées obligatoirement. Oui. Alors, ces danses traditionnelles continuent de proposer du plaisir à des gens d'aujourd'hui. Elles répondent même à des attentes qui restent insatisfaites par ailleurs, hein. Notamment, justement, de diversifier la relation sociale. Cette relation sociale, elle peut être solidaire, monolithique dans la ronde chantée. Et avec l'attention de tous les danseurs concentrés, confisqués par le récit, que des vies de la chanson. Et c'est pas des choses rigolotes, hein. Ça peut être un récit de crime, des assassinats. C'est l'histoire d'une fille un père qui dénonce sa fille à la justice parce qu'elle est sorcière. Un prêtre qui tombe amoureux, etc. On danse là-dessus, les visages sont graves, concentrés. La ronde, chez eux, cette ronde traditionnelle, elle est à l'image de la société. C'est-à-dire que elle tourne le dos au monde extérieur, elle tourne sur place. Chacun a droit de regard sur tous les autres. Chacun s'expose au regard de tous les autres. On danse comme on travaille, la main dans la main, au coude à coude. Voilà, cette société, cette danse n'est plus... la société qui a élaboré cette danse n'est plus là. Mais la danse demeure. Et elle nous fait éprouver, à notre tour, des solidarités. Si on arrive dans une bourrée, j'ai une partenaire, je joue avec elle, on ne sait pas ce qu'on va faire, on improvise. Là, c'est le jeu qui prime. Et si j'arrive à des danses pour couples fermés, où on est dans les bras l'un de l'autre, là, il y a une dimension un peu sentimentale. Et toutes ces choses-là sont apparues aussi dans la société dominante, hein, pas seulement dans les sociétés, d'abord dans les sociétés dominantes, où le cheminement de la tradition va dans le même sens que dans la tradition populaire, c'est-à-dire du plus collectif vers du moins collectif. Mais nous, aujourd'hui, on dispose de tout ça. C'est-à-dire que les âges de la danse sont devenus des formes de notre sensibilité, et nous avons accès à, et la danse traditionnelle est désormais la seule à nous proposer une telle pluralité de possibilités. Avec cet aspect social qui est essentiel, nous en parlons pour ces danses revécues enfin, aujourd'hui, réinventées, je ne sais pas si le mot est adapté, parce qu'il y a vraiment tout un travail qui est fait derrière, hein, beaucoup d'intelligence, mais avec le regard que vous portez, Yves Guilcher, sur le passé, vous notez aussi hein, ces passerelles entre la danse traditionnelle populaire et puis une danse des élites, et cela, bah, si on prend l'exemple de la bourrée n'est pas quelque chose qui se danse dans la cour de la ferme au XVIIe siècle. C'est quelque chose que l'on va retrouver aussi à la cour. En tout cas, on n'en sait rien. Du roi. On n'a pas rien ne l'atteste, c'est vrai. Rien ne l'atteste. Non, non. Mais elle est présente à la cour du roi. C'est là qu'elle apparaît. En 1604, les premières mentions de bourrée, c'est au Louvre. On le sait par le médecin du roi, Erouard, qui nous dit que le futur Louis XIII, le dauphin, a dansé la bourrée. Il ne s'est pas dansé, hein. Il l'a dansé feintement, dit-il. Il l'a fait en mangeant, une autre fois en faisant des grimaces, etc. Ça, c'est l'apparition de la princesse. Elle est née à la cour. Ensuite, on va la trouver dans d'autres cours. Elle visite d'autres cours. On la retrouve en 1612, en tant que répertoire musical et description de danse aussi, chez le duc de Brunswick en Allemagne. On a une description de la danse, on a des mélodies. Bon. Et puis ensuite, cette princesse va se trouver des résidences secondaires. En 1615, un éditeur de Caen publie une bourrée avec des paroles dans le goût du temps. Très bien. À force de trouver des résidences secondaires, cette bourrée princesse va s'installer en province. On la voit arriver en Auvergne, à travers les grands jours d'Auvergne, d'Esprit Fléché, qui nous décrit les danses à Clermont, 1665. Après, on a Madame de Sévigné, qui prend les eaux en Bourbonnais, qui voit danser la bourrée du pays par des paysans et paysannes et par des demoiselles de la cour. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Fléché, comme Sévigné, connaissent la bourrée depuis Paris. Mais là, ils la reconnaissent pas. C'est une autre bourrée. C'est une bourrée déjà régionale. Et la question qui se pose après, c'est quand est-ce que cette princesse-là, dans ses résidences secondaires et son établissement en province, quand est-ce qu'elle va perdre sa pantoufle de verre et qu'on va la retrouver en tant que Cendrillon au village, dans les bergeries, dans les burons? Et ça, ça va poser des tas de problèmes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin, on va voir arriver des bourrées à 3 temps. La bourrée est à 2 temps, historiquement. Toutes les bourrées sont à 2 temps, y compris les bourrées d'Auvergne, toutes les publications, toujours 2 temps. Vous enquêtez dans le Massif central, vous trouvez des bourrées à 2 temps, vous en trouvez des traces là où elle n'est plus dansée, mais partout, vous voyez des danses à 3 temps qui ne sont pas encore appelées bourrées. On les appelle des montagnardes ou des auvergnates, mais elles vont finir par s'appeler bourrées à 3 temps. Et aujourd'hui, dans un bal folle, on a bourrées à 2 temps, bourrées à 3 temps. Vous voyez? Et alors là, la question s'ouvre. D'où vient ce 3 temps? Comment il est arrivé là? La seule réponse honnête serait, on n'en sait rien. Mais on peut quand même proposer des choses extrêmement vraisemblables, notamment les relations très suivies, très serrées, très intimes entre l'Auvergne et l'Espagne. Premièrement, avec le 3 temps et les ports de bras élevés au-dessus des épaules, d'une part. Et ensuite, les relations avec Paris. L'Auvergne va émigrer sur Paris, va créer des solidarités à Véronèse, des bals musettes, etc. On va découvrir Paris et ses bals. Et là, ils vont découvrir les figures du quadrille, qui vont danser en pas de bourrée, et aussi les pas de valse, qui a les mêmes relation des appuis au temps de l'écriture musicale que la bourrée. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. La valse va venir squatter la bourrée. Voilà. La passionnante histoire des danses traditionnelles, la passionnante histoire des danses populaires. Allez, entrons dans la danse, voyez comment on danse. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Nous n'irons plus à la fête, le vent l'a tout emporté, y a plus qu'un vieux manège qui veuille encore tourner. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Tournez, tournez, embrassez qui vous voulez. Embrassez donc votre cousine, joli cousin aux yeux fous. Dansons la capucine, il y a plein d'amour chez nous. Mais il y a trop de gens qui nous regardent. Il y a le marchand de lacets, il y a le bossu, il y a le gendarme qui dit défense d'aller au bois pour s'embrasser. Nous n'irons plus, gendarme, vous êtes le plus fort. Cousin, versez une larme, car notre amour est mort. Payez-moi une glace avec de la pistache. Achetez un lacet, étranglez qui vous voulez. Ézigouillez le gendarme, ézigouillez le bossu. Et faites pipi contre un arbre, puisque nous n'irons plus. N'iront plus au bois, les roses sont tombées. La vieille que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Coupez, découpez la chanson de notre enfance. Coupez, découpez en suivant le pointillé. Francis Blanche qui n'ira plus au bois dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédérix, le cours de l'histoire qui s'intéresse aux danses traditionnelles, aux danses populaires. Mais est-il possible de raconter cette histoire-là? Et justement, nous avons saisi que cette histoire ne laisse pas de traces. Ces danses populaires n'ont pas laissé énormément de documents et bien souvent il est nécessaire de se pencher sur le discours des dominants. Et ça tombe bien, parce que l'Église s'est intéressée à ces danses. Bonjour Adrien Belgrano. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Votre thèse s'intitule « Condamnation et appropriation de la danse par les élites laïques et les autorités religieuses en Occident entre le XIIe et le XIVe siècle ». Votre directrice d'études, Marianne Polo de Beaulieu. Toujours citer sa directrice d'études. Justement, dans le regard que vous portez sur ces danses, il y a celui de l'Église. L'Église a laissé beaucoup de textes sur les danses populaires. Alors, l'Église a laissé beaucoup de textes sur les danses, et on comprend à la lecture de ces textes qu'effectivement, ce sont des danses populaires, parce qu'on n'a pas l'impression que ça vise, sauf cas exceptionnel, les danses de l'aristocratie. Avec toute cette question du regard porté, nous avons, dans le cours de l'histoire, consacré une émission aux danses antiques, aux danses antoges, à écouter sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, avec cette idée que la danse était omniprésente dans l'Antiquité, une danse de tous les moments, et notamment une danse religieuse. Aïe, quand l'Église se met en place, quand le christianisme s'impose, ces danses sont-elles considérées comme des danses païennes et dès lors la danse regardée avec méfiance? Alors évidemment c'est une question compliquée parce que c'est des périodes pour lesquelles on a relativement peu de sources. Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une réflexion sur le rituel chrétien, c'est-à-dire le chœur des fidèles, puis des prêtres et des diacres autour de l'autel. On ne sait pas si c'est vraiment un chœur dansant ou un chœur chantant. Les pères de l'Église vont se poser la question de comment est-ce qu'on organise ce chœur? Est-ce que les anges viennent y participer? Est-ce que c'est une reproduction de la danse de David? C'est des questions qui se posent sur vraiment le rituel religieux de la danse. Et à côté de ça, on a des canons qui condamne ou qui essaie de limiter, disons, le fait que les fidèles viennent, et ça se trouve dès le IVe siècle, donc que les fidèles viennent sur les tombes des saints, sur les tombes des martyrs, pour danser. Donc d'un côté, on a des danses qui sont intégrées au culte et qui ont l'air acceptées, théorisées, et à côté, on a les danses des fidèles qui, elles, sont condamnées, combattues, rejetées. Même si dans un premier temps, elles sont évidemment reconnues comme étant un hommage aux martyrs. C'est que progressivement que ces danses vont être considérées comme quelque chose en plus qui n'a rien à voir avec le culte et qui doit être éliminé parce que source de péché. Oui, parce que la danse est présente dans la Bible. Et puis là, vous nous dites, Adrien Belgrano, que les fidèles pouvaient danser, qu'il était possible de danser. Mais alors là, bon, déjà, moi, c'est quelque chose qui me surprend, que la danse pouvait faire partie de la liturgie. Avons-nous une idée de ces rites? À quoi cela pouvait ressembler? Alors, pour l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, probablement pas. Les textes ne s'attardent pas beaucoup sur ce genre de questions. Ils ne nous donnent aucun détail sur les danses. On sait que lors des processions de l'époque mérovingienne, bicarolingienne, les évêques pouvaient danser un tripudium. Tripudium, ça a été évoqué hier hein, à propos des prêtres saliens à Rome. Évidemment, quand c'est Saint-Éloi qui danse un tripudium devant des reliques, c'est probablement pas cette danse. Est-ce que c'est même une danse? On n'a aucun moyen de le savoir. Par contre, pour le Moyen-Âge central, 12e, 13e siècle, on a quelques spécialistes de liturgie qui ont écrit des traités dans lesquels ils présentent une série de danses qui sont des danses effectivement religieuses. Alors là, encore une fois, on n'a pas le détail, ça va très vite, mais on sait qui était censé danser. Les diacres, les prêtres, voire l'évêque. Et on a des informations sur le fait qu'ils dansent en chaîne ou qu'ils doivent se lancer une balle, ils appellent ça une pelote, dont la signification est un peu mystérieuse, même si les historiens ont proposé des interprétations. Donc on a très peu d'informations sur le rituel précis. Par contre, on sait que ça existait et que ça a été vraiment pensé au Moyen-Âge central par des clercs. Et puis, ce que nous savons surtout, c'est qu'il y a des condamnations. Alors, ces condamnations traversent les siècles, traversent le temps. Et en 1769, il est encore question de ces condamnations dans un traité contre les danses. Les jeunes filles qui vont aux danses se partent ordinairement avec plus de soin avant que d'y aller. Et elles s'y étudient, plus que dans toute autre circonstance, à plaire. Dès lors, ne faut-il pas être frappé d'aveuglement pour ne pas voir que des danses même qui passent pour les plus honnêtes naissent mille périls pour la chasteté? N'est-il pas évident que les différents mouvements du corps et les gestes qui se font dans les danses, que la façon libre de se regarder, ne peuvent que donner aux démons la plus grande facilité de lancer dans le cœur de ceux et celles qui dansent et de ceux même qui les voient danser les traits enflammés de ce malin esprit dont saint Paul parle en écrivant aux Éphésiens, dont on doit sans cesse être attentif à se garantir, si on ne les a pas encore reçus, en leur opposant le bouclier de la foi, ou à les éteindre, si quelques-uns ont déjà malheureusement pénétré dans l'âme. Lecture d'un extrait du traité contre les danses de François-Louis Gautier en 1769. Une lecture de Mélodie Auru dans le cours de l'histoire. Adrien Belgrano. Oui, il y a toute une littérature religieuse pour condamner la danse. Terrible, le diable n'est pas loin. Mais évidemment, il est question de corps. Il est question aussi de participation de femmes. Enfin, là, le cocktail est détonnant. Comment se construit cette condamnation des danses? Alors, ce qui est merveilleux dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est que ça serait un texte écrit par un prédicateur du XIIe siècle, il n'y aurait absolument rien de différent en réalité. Mais donc c'est un argumentaire qui est très très ancien et qui est sans cesse renouvelé, avec l'idée que la danse n'est pas un péché très grave en soi, mais qu'on y fait mille petits péchés qui à la fin conduisent à la damnation. Le fait aussi que on va entraîner le public avec soi, ce qu'on va attirer, soit par le texte parlait du regard, mais il y a aussi la chanson qui est très importante dans la danse et qui capte l'attention de l'auditoire. Une chanson qui souvent au Moyen-Âge est associée à l'amour, qui est associée, alors les prédicateurs vont dire que c'est des obscénités. Donc ça c'est vraiment très très important, mais à côté de ça, il y a un autre aspect qui est pas lié à la présence des femmes ou à la luxure, mais qui serait plutôt lié à l'orgueil, c'est-à-dire que la danse, c'est une insulte envers Dieu. J'ai dit donc il y a quelques instants qu'il y a, dès l'Antiquité tardive, le fait qu'on vient danser sur les tombes des saints et que les pères de l'Église essaient de mettre ça à distance. Et cette idée-là que les fidèles ne doivent pas danser pendant la fête religieuse, que c'est une offense à Dieu, puis plus tard que c'est un rituel diabolique, va être répétée, réaffirmée. Et au Moyen-Âge central, ça prend une proportion telle que c'est presque plus important finalement que l'accusation de luxure, cette idée que la danse est une offense. Le fait que ce soit répété montre bien malgré tout que les danses continuent. Les danses continuent, il n'y a probablement pas de moyen de les interdire. Et puis là, nous sommes en train de parler des condamnations qui sont particulièrement intransigeante, radicale. Mais il y a toute une volonté aussi de la part de l'Église de penser tout simplement les danses, de penser le cadre dans lequel elles peuvent être autorisées. Il y a une réflexion très importante d'Albert le Grand au XIIIe siècle qui essaie de penser quelles sont les conditions qui rendent la danse acceptable, puisqu'il lit dans la Bible effectivement qu'il y a des danses négatives, mais il y a aussi des danses positives. Il essaie de résoudre ce problème et il en arrive à cinq conditions qui peuvent rendre la danse acceptable et qui sont le fait qu'elle doit avoir lieu dans un moment qui est dédié à la joie, entre gens honnêtes. Il ne doit pas y avoir de clair, bien sûr. Les mouvements doivent être modestes et le chant doit être licite, c'est-à-dire que ça ne doit pas être des obscénités, comme on l'a dit. Donc, les danses continuent et malgré les condamnations, probablement qu'il y a une acceptation sociale beaucoup plus large, même s'il y a une méfiance sans doute. Alors, méfiance sans doute, mais acceptation. Alors, profitons-en. Allez, dansons une petite carole. Une petite carole par l'ensemble Jehan de Chanet. Dites-nous, Yves Guilcher, qu'est-ce qu'une carole ? Une carole, c'est une ronde, hein, c'est ça ? Oui, alors l'exemple que vous venez de nous donner ne le montre pas du tout. La carole, en principe, c'est une... Caroler s'oppose à danser, en partie. Il y a un sens large et un sens restreint de danser. Adrien pourrait en parler aussi. À savoir que la danse suppose en général des mouvements accompagnés de musique instrumentale et éventuellement aussi des mouvements convenus, décidés. Ça va donner des chorégraphies. La basse danse en sera l'exemple type. La carole, c'est une chanson vécue en rond. On danse une carole, c'est une ronde fermée, chantée par les danseurs. On ne connaît absolument pas les pas. On peut estimer qu'il y en a eu et qu'ils étaient même différents suivant au moins les régions, puisqu'on nous parle de manière de danser propre à la Normandie, à la Champagne, à la Bretagne, etc. Sur les milieux sociaux, on ne sait pas non plus. On ne sait pas si en milieu chevaleresque, la carole au Moyen-Âge central peut être différente de ce qu'on peut peut-être rencontrer chez des bergers, par exemple. Au XIe siècle, on a quand même un texte qui nous décrit la cour qui est... au printemps, sous les tentes, les pavillons, et on entend des caroles chantées par des paysans. Et les femmes quittent la table en courant et vont rejoindre les paysans et dansent avec eux. Donc là, il y a encore une possibilité, semble-t-il, de culture sociale partagée. Au XIVe siècle, ce n'est plus le cas, c'est certain. Là, c'est l'Ars Nova, c'est une toute autre époque. On n'est plus du tout dans... c'est le gothique flamboyant aussi. On n'est plus du tout dans les partages. Donc oui, la carole est au départ une ronde chantée et on va retrouver ce mot de carole en breton par exemple, carole, ça veut dire c'est danser, la danse, mais on va retrouver aussi des racines voisines qui évoquent soit le chant, soit le rond, soit les deux, dans les korovodes russes, dans les karikazos hongrois, dans les horas, dans les horos, etc. Il n'y a que les Anglais qui ont enlevé la danse du mot carole. C'est parce que il y a cette idée, hein, pour vous, Yves Guilcher, de ronde chantée quand il est question de carole. Et moi, j'aime bien évoquer la carole parce que c'est symptomatique. Nous savons ce qu'est une carole au sens où le mot existe, mais en réalité, c'est très difficile de définir ce que c'est. Adrien Belgrano, la carole qui a été la réalité pour nos ancêtres, qui était vraiment un moment très particulier. Aujourd'hui, l'historien a du mal à définir de quoi il s'agit. Oui, alors c'est les termes de danse utilisés en ancien français sont tous problématiques. Hein, de toute façon, on ne comprend pas le vocabulaire. Et moi, ce que je dirais, c'est que quand on veut s'intéresser aux danses médiévales, il faut se défaire de toutes les prénotions qu'on peut avoir. Et c'est là où le rapprochement avec les danses traditionnelles, même si finalement on va s'intéresser à la carole de l'aristocratie, est important. Il faut penser une autre relation avec la musique. Il faut ne pas penser que les pas sont centraux, comme dans notre conception de la danse. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt mettre l'accent sur les pas, quelque chose qui va être, disons, le réflexe des maîtres de danse italiens qui écrivent les premiers traités de danse noble au XVe siècle. Donc il faut rejeter toutes ces idées et puis se tourner vers les textes et se demander, bon, qu'est-ce qui nous est dit de ces termes de danse, comment ils sont utilisés, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on a essayé de nous transmettre comme information et pas ce que nous, on aimerait y trouver pour reconstituer une carole, ce qui, à mon avis, est une perspective complètement illusoire. Il cherche justement, hein, dans cette démarche, d'essayer de saisir ce que pure être ces danses traditionnelles du passé. Nous le disions, hein, énormément de modestie. Ce n'est pas vain comme recherche, mais j'ai l'impression toujours qu'on s'approche un peu sans vraiment, et ce n'est pas si grave que ça, savoir précisément quelles étaient ces danses. Oui, non, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. On a une idée des dispositifs. Effectivement, on peut dire que, à de rares exceptions près, tout converge pour nous présenter la carole comme une ronde chantée. La tresque comme une chaîne ouverte conduite par un meneur, etc. La basse danse comme une dame de couple ouverte. Alors le problème des pas, il est délicat à traiter. On ne sait rien. On n'en sait rien. Mais le mouvement des danseurs au Moyen-Âge central est évoqué à travers des verbes comme aller, cointement aller, mignotement passer. Alors je ne sais pas si passer peut avoir impliqué des pas. Aller, une allure, je ne sais pas. Enfin, ce sont les deux verbes qu'on trouve. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous allez en Bretagne, vous avez une ronde chantée qui tourne à gauche sans retour à droite et qui correspond donc à la définition de la carole, les gens n'ont aucun mot pour désigner les pas. Ils n'analysent rien du tout dans leur danse. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pas. Et pourtant, la danse comporte des pas. À la différence d'ailleurs de la musique qui est codifiée, qui bénéficie d'une notification. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que les chants grégoriens, donc nous partons loin au Moyen-Âge, permettent de reconstituer les musiques. Nous avons des textes et il n'y a rien de tout ça pour les danses. Pour la danse, non. C'est le regret absolu. Il faut attendre le 15e siècle, comme l'a dit Adrien, pour voir arriver les traités du Quattrocento italien qui nous décrivent insuffisamment les pas. Ils nous les décrivent, hein, mais ils ne les mettent pas en relation avec le phrasé musical qui leur est alloué. Oui. Et alors là, il y a une recherche à faire. Et là, la recherche a été conduite en général par des musicologues qui n'étaient pas danseurs et qui ont débouché sur des choses impossibles. Vous dites, on a une pulsation de 6 sur laquelle il faut répartir les 4 appuis équidistants d'un double. Bon, j'aimerais les voir faire. C'est absolument impossible. Et puis d'autre part, les folkeux, les danseurs qui, eux, n'ont pas les connaissances du musicologue. La recherche reste à faire là-dessus. Mais il y a une première tentative, en tout cas, pour communiquer la danse, non pas sans doute pour la transmettre aux générations suivantes, comme le fera Toine Rabaut au XVIe, mais plutôt pour mémoriser des danses qui ont chacune un programme différent qu'il faut avoir en tête. La recherche continue, c'est cela aussi qui est passionnant. Hein. Yves Guilcher, je rappelle, Le Berry et ses bourrées, titre exceptionnel. J'adore ce titre d'ouvrage. Et merci beaucoup aussi à vous, Adrien Belgrano. Hein. Vous avez participé à ce très bel ouvrage, Nouvelle histoire de la danse en Occident, de la préhistoire à nos jours, qui vient d'être publié au Seuil. Merci vivement à vous deux. On retrouve tout de suite Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, la colorisation des archives pose question. Sur la photo d'origine en noir et blanc, un jeune homme en t-shirt, debout devant un mur, les mains croisées derrière le dos, pose pour le photographe. On lit sur son visage l'absence totale de contrôle sur ce qui lui arrive. Sur l'image retouchée, ce même homme sourit au photographe comme si le cliché avait été pris au cours d'une visite entre amis sur un site remarquable. L'image est en couleur, très actuelle, trop actuelle, et contredit radicalement le contexte dans lequel la photo a été prise. Le camp de la prison S21 de Phnom Penh au Cambodge, un site emblématique des pratiques de torture et de détention des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Cette photo originelle, tirée des archives du musée du génocide de Tuol Sleng, fait partie, dans sa version transformée, d'une série de l'artiste irlandais Matt Loughry, publié sur le site d'information Vice au début du mois d'avril. De nombreuses personnes cambodgiennes expriment leur colère, leur souffrance face à ces clichés historiques manipulés. La mobilisation grossit, les autorités se saisissent de l'affaire. En 48 heures, l'article est retiré. Cette manipulation au minimum indélicate d'une archive photographique a fait scandale. L'article et ses images ont été retirés du site. Sans aller jusqu'à faire sourire les victimes de crimes de masse, la colorisation des images d'archives fait débat depuis une vingtaine d'années. Pour les défenseurs du procédé, cela permet d'accéder plus facilement à l'histoire qu'elles évoquent en rendant sa représentation plus présente, plus actuelle, en les rendant plus sensibles aux yeux des spectateurs du XXIe siècle. Des intentions en accord avec le site web de Matt Lefree, où l'on peut lire que la colorisation et ce qu'il appelle la restauration de photos offrent l'occasion de sauver les collections des musées, de mettre à niveau et de réinventer l'expérience du visiteur. Alors que les documentaires d'histoire élaborés à partir d'images colorisées devenaient la norme sur les chaînes de télévision et les plateformes, les historiennes et les historiens dénonçaient leur artificialité avec en point d'orgue un débat très vif autour de la série Apocalypse, diffusée par France Télévisions depuis 2009, qui propose de couvrir le XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la Guerre froide, une fresque documentaire élaborée exclusivement à partir d'images d'archives colorisées et d'un commentaire lu par Mathieu Kassovitz. L'historien du cinéma Laurent Verret exprimait dès 2012 sa gêne. Jusque-là, c'était l'authenticité des archives présentées qui les valorisait aux yeux du spectateur. Désormais, c'était leur spectacularisation. La nouvelle était excellente. Les documentaires d'histoire rencontraient un fervent succès auprès d'un public plus jeune. Mais à quel prix ? En les rapprochant esthétiquement du commun du spectacle audiovisuel de notre temps, on effaçait l'identité de ces images et avec elles, le passé qui les avait produites, en voulant établir à tout prix un lien de proximité simpliste entre hier et aujourd'hui, notamment en conformant les images qui subsistent aux modalités de la perception actuelle. Fin de citation. Une manipulation des images qui rendait ces documentaires irregardables, selon le philosophe Georges Didier Huberman, pour qui en mettre plein les yeux, c'est le contraire exactement de donner à voir. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel, Vivas et Maïwan Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Radio France, c'est Radio France. Demain, nous allons tanguer, nous allons valser. Attention, tango, valse, quand les danses de salon font scandale.